عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc إن شاء الله le cours qui va suivre est tiré d'une épître du grand savant le Cheikh Ubayd Ibn Abdillah al-Jabiri, hafizahullah ta'ala, un grand savant d'Arabie, plus précisément de Médine, ancien professeur à l'université islamique de Médine, qui est âgé de plus de 80 ans. Il a dépassé les 80 ans, hafizahullah ta'ala. C'est tiré d'un recueil de plusieurs épîtres. On en est déjà au deuxième volume. Le premier volume, voici, il comporte 10 épîtres. Donc, ce sont des conférences ou des écrits du Cheikh qui ont été compilés concernant beaucoup de sujets, des sujets de la croyance, du manhaj, et aussi des explications, des commentaires de hadith ou de versets coraniques. Et dans le deuxième volume, le dernier qui est sorti, il comporte 12 épîtres. Pareil, il y a des sujets concernant le dogme, le manhaj, des explications de versets coraniques et de certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le sujet qu'on va aborder est pris du deuxième volume et de la huitième épître qui concerne la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa min ayatihi. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Parmi les signes, les preuves d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'il a créé de l'humain, de lui-même, son épouse, sa compagne. Donc, le Cheikh hafizahullah ta'ala, après avoir fait khutbatul haja, le discours du besoin, comme vous venez de l'entendre, il dit après ceci. Amma ba'd. Fa inna mawdu' al-kalima huwa min al-ahammiyyati bi makan. Donc le sujet, l'intitulé du sujet cité est d'une très grande importance. Wa kayfa la yakunu kadhalik wal aya allati hiya 'unwan al-kalima qad dhakaraha al-haqq سبحانه وتعالى ضمن خمس آيات أو ست من سورة الروم. Et pourquoi ne serait-il pas ce sujet aussi important alors que c'est un point cité par Allah تبارك وتعالى dans 5 ou 6 versets de la sourate الروم. الروم qu'on traduit par les Romains. Parfois, certains le traduisent par les gréco-romains et aussi par les byzantins. Parce que lorsque dans Sourate al-Rum, il est parlé de la bataille qu'il y a eu entre les Perses, il est fait allusion à la bataille qu'il y a eu entre les Perses, l'Empire perse et l'Empire des Romains. Plus précisément, ce sont les Byzantins. C'était Byzance, c'est les Romains d'Orient contre les Perses. وقد ضمنها سبحانه وتعالى جملة من الأدلة على كمال غناه وكمال قدرته وعظيم سلطانه. Et dans ces versets, ces 5 ou 6 versets de la sourate Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dedans et nous démontre sa perfection. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala est parfait en tout, qu'il n'a nullement besoin de quiconque, qu'il a la perfection totale et sublime dans la force et la puissance, et qu'il possède toutes choses et qu'il en a la royauté. وَذَلِكُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتِ هو دليل على أنه سبحانه وتعالى كما أنه لا شريك له في ملكه كذلك يجب أن يفرده العباد بالعبادة. Et ceci, ô vous les musulmans et ô vous les musulmanes, est une preuve, un argument qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de même qu'il n'a pas d'associé dans son royaume, dans sa possession, de même qu'il est un devoir, il en incombe, qu'il doit être le seul à être adoré, qu'il est le seul digne d'être adoré par les adorateurs. Donnez-moi un Coran traduit, la traduction des sens, inshallah. Barakallahu fikum. Bada'a subhanahu wa ta'ala tilkumu al-ayat. La sourate Ar-Rum, c'est la sourate numéro 30. Bada'a subhanahu wa ta'ala tilkum al-ayat al-azimat. Barakallahu fik. Biqawlihi subhanahu wa ta'ala. Tu l'as trouvé ? Tiens, cherche-moi Ar-Rum. La sourate, donne-moi la sourate. طيب قال تعالى في سورة الروم donc c'est les versets 20 jusqu'à 25. ومن آياته أن خلق لكم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Donc dans le sens des versets, Allah nous dit « Parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. » Ici, idiome, il parle des langues, les langages. « Et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Et parmi ces signes, votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de sa grâce. Il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent. Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair avec crainte de la foudre et espoir de la pluie, et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Ensuite, lorsqu'il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez. بدأ سبحانه وتعالى تلكم الآيات العظيمات بقوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وختمها جل في علاه بقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Donc il a cité le premier verset, le 20e et le 25e, ce sont les 5 versets qu'on a, les 6 versets qu'on a récités. وهذه المسألة, et ce sujet, ce point, أعني مسألة إقامة الحجة على الخلق بما يقرون به من أفعاله على أن يقروا له سبحانه وتعالى بأنه المعبود وحده فإذا هذه الآيات وما في معناها يتلخص ما دلت عليه في أمرين. Donc la question d'apporter la preuve et l'argument aux gens, aux créatures, du fait qu'ils reconnaissent et qu'ils ont la conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est l'unique et le seul dans ses actes, dans ce qu'il fait. Ça, c'est une reconnaissance des gens et des créatures. Donc, il doit obligatoirement en découler qu'ils doivent unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration et nullement ils ne doivent donner une quelconque adoration à autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, de ces versets dans lesquels Allah rappelle aux gens cette reconnaissance qu'ils ont dans la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, il en découle deux points. Al-amru al-awwal, iqraru al-mushrikin bitawhidi ar-rububiyyah. Voilà. Le premier point, c'est cette reconnaissance de la part des polythéistes. Ils reconnaissent l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans la seigneurie. Wa huwa tawhiduhu subhanahu wa ta'ala bi'af'alihi. Donc, c'est la reconnaissance qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est l'unique et le seul dans ses actes. Il n'a pas d'associé là-dedans. C'est ce point qui concerne l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Les actes d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allati minha al-khalqu wal-rasqu wal-mulku wal-tadbir. Et entre dedans, dans ces actes d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la création, la donation de la subsistance, al-rasq, avec un fatha sur le ra. Al-risq, c'est la subsistance. Al-rasq, c'est le fait de donner la subsistance. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il est l'unique dedans. Ce n'était pas une erreur de mettre une fatha. Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a la royauté. Il est le véritable possesseur de toutes choses. Et c'est lui qui gère toute sa création. Subhanahu wa ta'ala. Fayu'lam bihada أن من يقرر أن الخلاف بين النبيين وأممهم كان في توحيد الربوبية فقائل هذه المقولة هو أحد رجلين رجل جاهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجاهل كذلكم بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة من سبقه من إخوانه النبيين والمرسلين ورجل صاحب بدعة وضلال يريد أن يحرف الناس عما ارتضاه لهم مولاهم من التوحيد والسنة يريد أن يحرفهم إلى البدعة والضلال والهوى. Et le fait de croire ou celui qui viendrait à prétendre et à dire que la divergence qu'il y a eu entre les prophètes et leur peuple concernait l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la seigneurie, celui qui dit cette parole, il ne sort pas de deux hommes. C'est l'un des deux. Un homme ignorant du contenu du livre d'Allah, le Coran, et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il est ignorant de la réalité même du prêche du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et du prêche de ses frères parmi les prophètes et les messagers qui l'ont précédé. Donc il ne connaît pas. Quelqu'un qui dit cette phrase, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le contenu du Coran et de la sunna et qui ne connaît pas le prêche du prophète Mohammed sallam et de tous les prophètes qui l'ont précédé. Ou d'un homme qui est un adepte de l'innovation et de l'égarement et qui veut faire dévier les gens du chemin qu'Allah tabaraka wa ta'ala a agréé pour ses créatures, dans lequel il y a le monothéisme et la sunna. Il veut les faire dévier, les égarer pour les faire tomber dans l'innovation, dans l'égarement et dans la passion. فهذا وذاك حرب على أهل الإسلام والسنة. L'un et l'autre. Qui sont l'un et l'autre? Le premier, c'est l'ignorant. Et le second, c'est l'innovateur. L'un et l'autre sont un moyen pour faire la guerre contre les adeptes de l'islam et la sunna. Sont une arme pour combattre l'islam et combattre la sunna. Wa in kana al-awwal akhaf. Bien que le premier est d'un moindre mal, parce qu'il est ignorant par rapport à l'autre qui est innovateur. Et il y a espoir dans la première catégorie, celui qui a l'ignorance, que lorsque va lui être clarifié, lui être démontré la vérité, qu'il va l'accepter. فهذا ليس فيه حول ولا قوة. Mais le second, l'autre personne, celui-là, on n'a aucune force, hein, aucun moyen face à lui. ومن يهتدي منهم بعد أن تستبين له سبيل المؤمنين قليل وقليل جدا. Et de cette catégorie-là, c'est-à-dire les gens de l'innovation qui font dévier les gens du droit chemin, de cette catégorie-là, très peu parmi eux, et vraiment très peu, reviennent à la vérité lorsqu'elle leur est clarifiée et démontrée. لِأَنَّهُمْ قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهِمْ الشِّقْوَةِ. Car la passion et le désir de l'égarement a pris le dessus sur eux. وَاسْتَحْوَذَتْ عَلَى قُلُوبِهِمْ الشُّبْهَةِ. Et l'ambiguïté a pris place et le dessus dans son cœur. فَرَضُوا أَنْ يَسْلُكُوا سَبِيلًا غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et cette personne a été satisfaite de prendre un chemin qui est tout autre que le chemin des croyants. سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, les premiers croyants qui sont les compagnons, رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُمْ. Ils dévient de la voie sur laquelle ils étaient. Comme Allah dit dans le Coran, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et qui vient à suivre un autre chemin que celui des croyants. Al-amru thani. Et que ça, combien de sectes et de mouvements égarés tombent dedans et font croire aux gens que le problème, le combat qu'il y a eu entre les prophètes et leur peuple concernait l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Et ceci est faux. Et des gens qui, lorsqu'ils veulent parler du tawhid, ils parlent de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala et veulent prouver par tout moyen l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme si c'était cela le point essentiel dans lequel il y avait la confrontation entre les prophètes et leur peuple. Non. On parle de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala et on parle de la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala parce que c'est la réalité. Et de l'autre côté, pour montrer aux gens, puisque vous reconnaissez cela, comment se fait-il que vous osez donner une quelconque adoration à autre que celui qui le mérite, subhanahu wa ta'ala. Al-amr al-thani, le deuxième point, wujub ikhlas al-din lillahi subhanahu wa ta'ala. Il est un devoir, une obligation d'adorer Allah tabarak wa ta'ala seul et l'unique avec toute sincérité. واساس ذلك ان يفرض سبحانه وتعالى بالعباده. Et la base même de cela, de cette sincérité, c'est qu'il soit adoré seul, uniquement lui, سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد هو الذي كانت فيه الخصومة بين النبيين والمرسلين واممهم. Et voilà le point sur lequel il y avait la confrontation, il y avait le problème et la guerre entre, et le combat entre les prophètes et messagers et leur peuple. وَمِنْ أَجْلِهِ كَانَتِ النُّبُوَّاتِ وَمِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ الْكُتُبِ وَمِنْ أَجْلِهِ أَقَامَ اللَّهُ سُوقَ الْجِهَادِ وَمِنْ أَجْلِهِ كَانَ النَّاسُ فَرِيقًا فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقًا فِي السَّعِيرِ. Et c'est pour ce point-là essentiel, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la divinité, dans l'adoration, qu'il y a eu la prophétie. C'est pour cette raison-là que les prophètes ont été envoyés. C'est pour cette raison-là que les livres sacrés ont été descendus et révélés. C'est pour cette raison-là qu'il y a eu le combat dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cette raison-là l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la divinité, dans l'adoration, qu'une partie des gens sont parmi les habitants du paradis et que l'autre partie font partie des habitants du feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلْنَنْتَقِلْ إِلَى الْآيَةِ الَّتِي هِيَ قَاعِدَةُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. Maintenant qu'on a bien vu ce point essentiel, et ce point très important, on peut aller à la méditation, à l'étude du verset, du passage du verset qui concerne l'intitulé du cours. يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ça c'est le verset numéro 21 de la sourate Ar-Rum, la sourate numéro 30. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, puisque la première femme et la mère de toute l'humanité, c'est Hawa, alayhi salam, elle a été créée de la côte de Adam, alayhi salam, qui est le père de l'humanité. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. هذه الآية ملخص ما تضمنته أن الله سبحانه وتعالى من عظيم منته وسابغ نعمته وواسع فضله ورحمته أن جعل لبني البشر أزواجا من أنفسهم. Dans ce verset, en résumé, ce qui est contenu dans ce verset, c'est que fait partie de la grande donation, du grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala envers ses créatures. Et le mérite qui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, et ceci fait partie de sa bonté et de sa miséricorde, c'est qu'il a donné aux humains des épouses issues d'eux-mêmes, de la même nature que ces humains. Tuwafiquhum fit tibar, qui est de la même nature que ces hommes. et qui a les mêmes envies que ces hommes. فلو كانت الزوجة أو الزوج من جنس آخر لما تم التآلف والتوافق والانسجام والتعاون على ما يراد من حكم النكاح من حكم النكاح ومصالحه. Car si l'un ou l'autre était différent, l'homme différent de la femme différente de l'homme, ce n'est pas les mêmes êtres, ce n'est pas la même nature, alors il n'y aurait, ça aurait été impossible qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent s'unir, qu'il y ait une union entre eux, qu'il y ait cette affection entre eux, et qu'il y ait cette reconnaissance entre eux, et qu'il y ait cette entraide entre eux. Et tous ces points, c'est parmi ce qui ressort comme sagesse et comme bénéfice qu'on retrouve dans le mariage. يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم. Clarifie cela la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها التلف فما تعارف منها التلف وما تناكر منها اختلف. الحديث رواه البخاري ومسلم. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les âmes sont, j'ai trouvé plusieurs traductions, j'essaie de prendre les termes qui me semblent être les plus convenables pour la traduction. Les hommes sont comme des soldats, c'est une image qui est donnée, comme des soldats recrutés, comme un régiment, hein, des soldats qu'on a rassemblés. Et à la base, ils ne se connaissaient pas. On les a tous réunis dans un endroit. Celles, c'est-à-dire les âmes, qui se reconnaissent, s'assemblent. Et celles qui ne se reconnaissent pas, se trouvent alors en désaccord. On les a réunis dans un même endroit et chacun va vers son semblable, vers celui qui lui ressemble. Subhanallah. Al-amru al-thani, le deuxième point, الذي هو من مضمون ما دلت عليه هذه الآية الكريمة أن النكاح والمراد به النكاح الصحيح. Donc le deuxième point, et là on rentre dans le vif du sujet qui est voulu dans ce noble verset, que l'union, qui est le mariage entre l'homme et la femme, ce qui est voulu, c'est le mariage authentique, c'est-à-dire le mariage valide et reconnu. الذي استوفى أركانه وشروطه وفق ما سنه الشرع مبني على مصالح وحكم ومنافع يتبادلها الزوجان. C'est-à-dire, quel est le mariage authentique? Le mariage valide, reconnu, c'est celui qui comporte les piliers et les conditions du mariage en conformité avec ce qui a été légiféré, avec la législation musulmane, comme cela nous a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est basé, qui est fondé ce mariage sur des intérêts communs et des sagesses et des bénéfices que vont s'échanger les deux époux. Wa annahu ليس الغرض منه مجرد متعة يقضيها كل واحد من صاحبه. Donc de là on comprend que ce qui est voulu par le mariage, ce n'est pas seulement un plaisir que chacun essaie de prendre auprès de l'autre. Ça ne s'arrête pas qu'à ce point-là. بل الأمر فوق ذلك. Ça va bien plus loin que cela. الغرض منه هي منافع دينية ودنيوية. Il y a des intérêts, des bénéfices mondains et religieux. Les deux ensemble. Mondains et religieux. ألم تسمعوا أيها المسلمون والمسلمات إلى مولاكم سبحانه وتعالى إذ يقول لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. N'avez-vous pas entendu la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ô vous les musulmans et ô vous les musulmanes, dans le sens du verset qu'Allah dit, pour que vous viviez en tranquillité avec elle, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Fasukna, cette tranquillité, cet apaisement qui est recherché dans le mariage, sukna kullin min az-zawjayni ila sahibihi allati hiya al-istiqrar an-nafsi wa tuma'ninatu al-qalb wa inshirahu as-sadr ma'a ma yasudu baynahuma min at-ta'aluf wat-ta'awun wal-birr. Donc cette tranquillité qui est recherchée de la part des deux époux, c'est cet apaisement intérieur, cette tranquillité intérieure, cette quiétude du cœur et l'apaisement de la poitrine, et aussi cette union et cette affection hein, qui prend le dessus chez les deux époux et qui est suivie par cette entraide dans le bien et dans la bienfaisance. Birru kullin minhuma bi sahibihi. Chacun, il est bienfaisant envers son prochain. Wa ilfihi wa unsihi bihi. Chacun, il trouve un repos et un apaisement avec l'autre. Kullu dhalika wa ghayruhu mimma ja'at bihi an-nusus yu'akkidu ma aslafnahu min annahu laysa al-murad min az-zawaj huwa mujarrad qada' ash-shahwa. Donc, tous ces points qu'on vient de voir, ainsi que tous les textes religieux concernant ce sujet, viennent à prouver que ce qui est voulu par le mariage n'est pas seulement, ne s'arrête pas seulement au plaisir sexuel, comme certains pourraient le croire. Ça, ils ont faux. Ce n'est pas le but complet du mariage, c'est une des parties, un des points importants dans le mariage, mais ce n'est pas tout ce qui est voulu dans les sagesses du mariage. Wa min huna man hadarana min al-muslimin wal-muslimat wa man tasiluhu hadhihi al-kalima nakhlusu ila thalathi masail. Et de là, pour ceux qui sont présents, le shir parle donc aux éditeurs, ceux qui sont près de lui, parmi les gens présents, parmi les musulmans et les musulmanes, et ceux que sa voix va les atteindre, que on va résumer les points de ce sujet en trois points importants. Al-mas'alatu l'oula fima yuhaqqiq ma ashara ilayhi rabbuna Subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-aya. Donc ce qui va concrétiser ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala nous a cité dans ce verset. Al-mas'alatu thaniya fi hikam an-nikah wa masalihihi wa manafi'ihi. Le deuxième point concernera les sagesses et les leçons, les bénéfices, les intérêts qu'on retrouve dans le mariage. المسألة الثالثة وصايا نختم بها الكلمة إن شاء الله تعالى. Le troisième point, ce sont des recommandations avec lesquelles on termine ce sujet si Allah le permet. المسألة الأولى. Le premier point. أسلفنا أيها المسلمون والمسلمات ما أظنه لم يغب عن أذهانكم من الإشارة إلى حكم النكاح ومصالحه ومنافعه والحديث الآن في الطريق الذي يحقق للمسلمين وأنا أقول للمسلمين لأنه ليس لنا حاجة للحديث إلى غير المسلمين لأنهم ليسوا منا ولسنا منهم. Donc le cheikh nous dit, on a vu précédemment, chers musulmans et musulmanes, ce que je pense qui ne vous a pas échappé, on a montrer du doigt certaines sagesses du mariage et ses intérêts et ses vertus. Et là, on va parler du chemin qui mène vers la concrétisation, sa concrétisation pour les musulmans. Et le shir tient à avertir, il dit, je dis pour les musulmans, car on est nullement dans le besoin ici de parler de ceux qui ne sont pas musulmans, car ils ne font pas partie de nous et on ne fait pas partie d'eux. Donc ce sujet-là ne les concerne pas. On parle à la communauté musulmane. أقول أنتم تعلمون أن كل بناء يراد له الدوام والنجاح وتحقيق أغراضه لا بد له من أسس تكفل له الاستمرار في أداء ما يطلب منه والاستمرار في تحقيق أغراضه ومصالحه وهاكم أيها المسلمون والمسلمات بعض ما استقرأناه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. Vous savez tous que une fondation, une construction pour laquelle on veut qu'elle soit perpétuelle, qu'elle perdure, qu'elle reste, et pour laquelle on veut la réussite et la réalisation des objectifs. Pour cela, pour l'atteindre et pour pouvoir le réaliser, chers musulmans et chères musulmanes et chères musulmanes, voilà certains points qu'on retrouve pour celui qui a étudié convenablement le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Parce que là, vous allez comprendre, le shir, il essaie de partir sur de bonnes bases pour expliquer qu'est-ce qui est voulu par le mariage. Et parmi les points essentiels voulus par le mariage, quand quelqu'un se marie, quand des gens se marient, c'est pour perdurer. Ce n'est pas pour un laps de temps. Ce n'est pas avec des intentions, je ne sais quelles et quelles. Non, à la base, les gens se marient ils recherchent un mariage qui va durer. L'intention, elle est là. L'intention, elle est là. Ça, c'est le bon musulman. Le bon musulman, voilà son intention. Parce qu'il est honnête, il est véridique. Ce qu'il dit à son prochain, c'est ce qu'il a dans son fort intérieur. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ces points-là, qui de base, on n'a pas besoin d'eux. Mais lorsqu'on voit les agissements des gens, et lorsqu'on voit les gens avec quelle intention ils viennent, Wallahi, ça fait peur. Et ce sont des agissements qui sont contraires aux enseignements de l'islam et contraires à la raison pour laquelle le mariage il a été légiféré. At-tariq al-awwal, le premier point dans le chemin du mariage. La première étape, husn al-ikhtiyar, le bon choix. Le bon choix. Et pour faire un bon choix, un conseil qu'on se donne à tous, ne jamais se précipiter. Combien de gens regrettent la précipitation? Pourquoi ils se précipitent les gens? Parce qu'ils sont amoureux. Une des raisons, c'est l'amour. Et l'amour, comme on dit, rend aveugle. Et le mariage redonne la vue. Et quand ils se marient, c'est là qu'ils disent « Ah, j'avais pas vu telle chose, telle chose, telle chose. » C'est la précipitation. Parce que la personne, là, à ce moment-là, elle ne voit plus. Et celui qui viendrait pour le conseiller, il croit que c'est son ennemi. Il croit qu'en vérité, il veut prendre sa place. Et ainsi de suite. Donc, il ne l'écoute pas. Il n'est pas prédisposé à ce moment-là. Donc, il est aveuglé. Subhanallah. Et combien de gens tombent dans ce piège-là? Donc, le premier point, c'est le bon choix. وكيف يكون حسن الاختيار؟ Et comment faire le bon choix؟ وأظنكم تعلمون أن هذا الباب مرده إلى الزوجين. Et je pense que vous avez bien compris que ce point concerne les deux mariés, l'homme et la femme. أما الرجل فهو كفيل نفسه. L'homme de base, c'est lui qui est responsable de sa situation. Ça a lieu de bien faire son choix. وَأَمَّا الْمَرْأَةَ فَيَنُوبُ عَنْهَا وَلِيُّهَا. Et la femme, elle, elle a son tuteur qui la représente et qui va l'aider dans ce choix-là. Et c'est lui, dans la vie d'ici-bas et pour l'au-delà, qui est son responsable. Et le bon choix, il est basé sur quoi ? Sur la droiture. Sur la droiture. Istiqamatu ad-din wa istiqamatu al-mu'amala. Une droiture dans la religion, c'est-à-dire dans sa pratique. Et ceci concerne entre lui et son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et une droiture dans le relationnel, dans ses relations avec les autres. Comment il fonctionne avec les gens, comment il est avec les gens qui l'entourent, etc. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الحديث أخرجه ابن ماجه رحمه الله والترمذي رحمه الله وكذلك الطبراني والحاكم والبيهقي وفي رواية كبير à la place de عريض عريض وفساد عريض وفي رواية وفساد كبير والحديث حسن بمجموع طرقه. Et le hadith, il est considéré comme bon lorsqu'on assemble, on réunit toutes les chaînes de narration. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, s'il vient à se présenter à vous, celui, une personne, un homme, que vous, qui vous a plu, vous êtes satisfait de lui, dans sa moralité religieuse, dans sa pratique religieuse, dans le domaine religieux, ainsi que sa vertu, dans son comportement, mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura du trouble sur la terre et un horrible ravage. Voilà la conséquence, le résultat de ce refus qui est un refus inacceptable. Mais une remarque importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَا » Il parle à qui ? عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Il parle au tuteur, au responsable de cette femme. C'est-à-dire, il ne faut pas, certains se trompent dans leurs agissements. Il vient, il se présente. Donc il se fait toutes les éloges. En général, l'humain se fait toujours les éloges. Jamais quelqu'un va se salir ou va dire du mal de sa propre personne. Hein? Ouais, je viens à vous, je suis un escroc, je suis un voleur, je suis... Non. Même s'il l'est, il ne le dira pas. D'accord ? Donc un homme, une personne, tout le temps, elle se dira que du bien d'elle-même. Et que dire de notre époque ? Donc la personne, elle vient et elle dit, moi je suis comme ça, j'ai une bonne religion, je considère que je suis bien avec les gens, donc vous devez m'accepter. Et puis il ramène le hadith. Non, là le hadith, il n'est pas ramené dans son contexte qu'il faut. Pourquoi ? Parce que c'est eux, est-ce qu'ils sont satisfaits de ta religion et de ton comportement ? Ce n'est pas toi. Ou alors, il ramène quelqu'un, des gens qui vont témoigner pour lui, des amis à lui ou des proches à lui qui le connaissent. Ils peuvent venir l'aider. Ils peuvent venir intercéder pour lui. Pas de mal. Mais ces gens-là qui sont en face, qui sont les responsables de cette fille, s'ils ne le connaissent pas, le hadith là ne les concerne pas. Là où il y a problème, c'est lorsque le papa, le tuteur, il est satisfait, il n'a rien à reprocher, ni dans la religion, ni dans la moralité, le comportement de cette personne, et il le refuse. Là, c'est là où il y a le problème. Et si les gens agissent ainsi, voilà la conséquence. Il y aura un grand trouble sur terre, il y aura du mal. Pourquoi ? Parce qu'il va en découler de cela un grand mal sur terre. Donc ça, c'est un point important, hein, parce que des gens veulent parfois faire le forcing. Subhanallah. Et ils cherchent tout moyen pour enlever la tutelle de celui qui est en droit d'être tuteur. Donc il faut faire attention. والذي يتأمل هذا الحديث يظهر له أنه يجب أن يتوفر في الخاطب أمران. Et celui qui médite ce hadith qu'on vient de citer, il lui apparaît clairement qu'il est une obligation, il incombe à celui qui se présente, al-khatib. Al-khatib, c'est celui qui se présente, celui qui va demander la main de la fille. Al-khatib, avec un ya, ça c'est celui qui fait un discours, celui qui fait le prêche. D'accord ? Et al-khatib avec un alif, hein, c'est celui qui demande. Il faut qu'on retrouve en lui deux points, deux choses. Ahaduhuma an yakuna mardiya ad-din. Il faut qu'il ait, et d'un point de vue religieux, satisfaisant. Il faut qu'il soit satisfaisant d'un point de vue religion. Wal-akhar an yakuna mardiya al-khuluq. Et le deuxième point, c'est qu'il soit satisfaisant du point de vue de comportement. Wal-hikmatu fi dhalik. Et la sagesse en cela, c'est أنه بالرضا عنه في دينه يحسن ما بينه وبين ربه. La sagesse en cela, c'est que si il est satisfaisant dans sa religion, ça veut dire qu'il est bien dans sa relation entre lui et son Seigneur. Il est droit dans sa relation entre lui et son Seigneur. وبالرضا عنه في خلقه يحسن المعاملة مع غيره. Et qu'il soit satisfaisant dans le comportement, ça veut dire qu'il a un bon relationnel, de bonnes relations avec les autres personnes. وأقرب من يحسن معه المعاملة بعد الوالدين زوجه. Alors qu'il faut savoir que la plus proche personne après ses parents, envers qui il doit être bon et avoir un bon comportement, c'est son épouse. Après ses parents, la plus proche personne qu'il a, c'est son épouse. Donc c'est pour cela qu'il est demandé qu'il soit bon, pour qu'il le soit avec son épouse. يوضح هذا قول الحسن رضي الله عنه وقد سأله رجل. Viens clarifier ce point-là, la parole de الحسن, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, الحسن بن علي رضي الله عنهما, et alors qu'un homme l'a questionné, أزوج ابنتي بمن؟ Je marie ma fille à qui? Quel genre de personne? À quel genre de personne je donne ma fille? قال بمن يتقي الله. Tu la donnes à celui qui craint Allah, celui qui fait preuve de piété envers Allah. فإنه إن أحبها أكرمها. Car si il vient à l'aimer, il sera bon envers elle, il sera généreux avec elle, il va l'honorer. وَإِنْ سَخِطَهَا لَمْ يَظْلَمْهَا. Et s'il n'est pas content d'elle, eh ben il ne sera pas injuste envers elle. Il ne sera pas injuste envers elle, parce qu'il a la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc s'il est fier d'elle, il est content d'elle, il va l'honorer. Si c'est le contraire, il va être juste avec elle. Et ce récit de l'Hassan, radiyallahu anhu, أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال. أقول donc le شيخ عبيد حفظه الله تعالى dit, je dis صدق رضي الله عنه. Il a dit vrai qu'Allah l'agré. فإنه باستقراء الحوادث الزوجية التي خربت بها البيوت تبين أن سبب ذلك خلل في الاختيار. Car lorsqu'on va bien vérifier toutes les histoires d'accidents, de problèmes qu'il y a eu entre les couples, les problèmes conjugaux, et qui ont détruit des foyers, il en ressort quoi ? Que une des grandes causes de cela, c'est ce manquement qu'il y a eu chez eux. Ils n'ont pas fait le bon choix. Ils n'ont pas fait le bon choix. Imma anna ar-rajul laysa mardiy ad-din. Soit l'homme, selon les situations, n'a pas une religion satisfaisante. De point de vue religieux, il n'est pas satisfaisant. Wa man asaa fi ma baynahu wa bayna rabbihi فلا يتورع أن يسيء فيما بينه وبين عباد الله. Celui qui a été mauvais dans sa relation entre lui et son Seigneur, il ne va pas se retenir d'être mauvais dans sa relation entre lui et les créatures d'Allah. بل إساءته مع أقرب الناس إليه أكثر. Encore pire, c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'envers ses plus proches personnes, son mal se verra encore plus. أو أنه غير مرضي الخلق. Ou alors c'est une personne dont le comportement n'est pas satisfaisant. فهو سيء المعاملة. Il est mauvais dans le relationnel. هذا في جانب الرجل. فماذا في جانب المرأة؟ Ceci concerne le côté de l'homme. Alors que dire du côté de la femme aussi? هاكم البيان أيها المسلمون. Voilà la preuve, la clarification de cela, ô vous les musulmans. ممن جعله الله سبحانه وتعالى معدنا للبيان. Celui dont cette explication, cette clarification, cette preuve nous vient de qui? De celui dont Allah subhanahu wa ta'ala en a fait la matière même de l'explication et de la clarification, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala sallallahu alayhi wa sallam, tunkahu al-mar'atu li arba, li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha, fadfar. بذات الدين تربت يداك. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: on épouse une femme pour quatre raisons. Cherchez chez tout le monde, musulmans et non musulmans, les mécréants de toutes sortes, tout le monde. Vous allez chercher quels sont les critères pour lesquels un homme se marie avec une femme. Ils ne sortiront pas de ces quatre points. Le prophète nous dit, voilà pourquoi les gens se marient avec les femmes. Les raisons qui les amènent à se marier avec une femme ne sortent pas de ces quatre. Donc, il dit, alayhi salatu wa salam, on épouse une femme pour quatre raisons. Pour son argent, pour sa classe, c'est-à-dire la place de la famille, sa lignée, pour sa beauté, et pour sa religion. Choisis plutôt, puis le prophète sallam, après nous avoir cité les raisons qui amènent les gens à se marier, le prophète sallam nous dirige vers ce qu'il y a de mieux pour le musulman. Et quel est le point primordial, essentiel? Ce n'est pas le seul point. Le musulman a le droit de regarder d'autres points. Mais le premier point regardé par le musulman, qui prend le conseil du prophète sallam, c'est ce point-là, il dit, alayhi salatu wassalam, choisis plutôt celle qui est pieuse, celle qui est dans la religion, celle qui a la religion. Périsse ta fortune si tu n'agis pas ainsi. Ou alors, puisse tes mains se recueillir, ne recueillir que poussière. Ce sont des formules pour dire que si tu n'écoutes pas ce conseil du prophète sallam, tu vas être dans la perdition. Tu vas perdre. Tu ne seras pas gagnant. Et en faisant ce que le professeur sallallahu alayhi wa sallam a demandé, alors là, tu seras gagnant. Puisse tes mains ne recueillir que poussière. C'est-à-dire, la personne en question sera perdante si elle n'agit pas ainsi. فَانْظُرُوا هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْجَامِعَ مِمَّنْ آتَاهُ اللَّهِ جَوَامِعِ الْكَلِمِ أَعْنِي مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فإنه ضمن هذه الوصية شيئين. Regardez cette recommandation qui englobe et qui réunit tout de la part de celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné cette capacité de parler peu pour dire beaucoup, alayhi salatu wa salam. Et il a introduit dans sa recommandation deux choses. أحدهما, l'une, الإخبار عن واقع الرجال وما من أجله يرغبون في النساء. Il nous informe de la situation des hommes, de la réalité des hommes. Qu'est-ce qui les amène à choisir une femme? Qu'est-ce qui les attire chez une femme? وَهِيَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْحَسَبْ وَالْدِينِ. Et ce sont ces quatre points-là. L'argent, la richesse, la beauté, la lignée, une femme de telle famille, hein, la noblesse et la religion. وَثَانِيًا, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, الْحَظُّ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ. Et ceci concerne la dernière phrase, le dernier point cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَذَلِكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّهُ يَقِلُّ مَنْ يَتَفَطَّنُ إِلَيْهَا وَيَعِيرُهَا الْإِهْتِمَامِ. Et ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le précise parce que très peu sont ceux qui prêtent attention à ce point-là et qui lui donnent de la considération. فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَكَ. De prendre celle qui a la religion. فَإِذَا انْضَمَّتْ هَذِهِ إِلَى مَا هُوَ مِثْلُهَا فِي الرِّضَى بِدِينِهِ وَخُلُقِهِ سَعِدَتِ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَةِ. Donc, si cette femme dont le prophète ensemble nous conseille de prendre, elle vient se retrouver avec son semblable, qui est l'homme dont on est satisfait de sa religion, de son comportement, alors là, on a réuni les moyens d'avoir une vie heureuse et un couple qui va vivre convenablement. وَأَدَّتْ أَغْرَاضَهَا وَمَنَافِعَهَا الَّتِي أَنَاطَهَا بِهَا الشَّارِعَ. Et là, ils auront accompli et réalisé les intérêts et les raisons qui sont voulues par la législation. فَإِنَّ ذَاتَ الدِّينِ تُعِينُ زَوْجَهَا إِذَا عَجَزْ وَتُذَكِّرُهُ إِذَا نَسِي وَتُفَطِّنُهُ وَتُنَبِّهُهُ إِذَا غَفَلْ. Car celle qui a la religion, elle va aider son mari lorsqu'il sera dans l'incapacité. Elle va rappeler son mari lorsqu'il va oublier. Et aussi lorsqu'il sera dans l'insouciance. بَلْ هِيَ مَظِنَّةٌ إِلَىٰ أَنْ تَقِفَ مَعَهُ فِي أَفْرَاحِهِ وَفِي أَتْرَاحِهِ. Et il y a même forte chance qu'elle soit à ses côtés, qu'elle va le soutenir dans les moments de joie comme dans les moments de douleur. تُسَرُّ لِسُرُورِهِ وَتَفْرَحُ لِفَرَحِهِ كَمَا أَنَّهَا تَتَأَلَّمُ لِآلَامِهِ. Elle est heureuse pour sa joie et elle est triste pour sa douleur et sa tristesse. فَهِيَ إِذَنْ مَعَهُ حِينَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ. Elle est donc avec lui lorsqu'il a besoin d'elle, que ce soit dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. وَكَفَى مَثَلًا سَيِّدَةً هِيَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et il suffit pour cela. Comme exemple, cette noble femme qui est la première à avoir cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a'ni Khadija bint Khuwaylid al-Asadiyya radiyallahu anha wa ardaha. Et je veux par là, le cheikh dit, Khadija bint Khuwaylid de la tribu de Banu Asad radiyallahu anha wa ardaha. Fahiyya awwalu man aslam wa awwalu man sabaqa lal-iman. C'est la première à s'être convertie à l'islam. Et la première à s'être empressée à entrer dans la foi. كَيْفَ كَانَتْ مَوَاقِفُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Comment ils étaient ces positions avec le prophète صلى الله عليه وسلم. فَلِكُلِّ امْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُحْسِنُ الْعِشْرَةِ وَالْمُعَامَلَةِ فِي تِلْكُمُ الْأُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْأُسْوَ الْحَسَنَةِ. Donc pour toute femme qui croit en Allah et au jour dernier et qui se comporte convenablement avec son mari, qui vit convenablement avec son mari et qui est d'une très bonne relation avec son mari, elle a dans la mère des croyants, Khadija radhiyallahu anha, un modèle et un exemple à suivre. الطريق الثاني, donc on est dans le chemin pour concrétiser et réaliser le mariage hein, avec tous les intérêts et l'objectif recherché. استشعار كل من الزوجين أن صاحبه أمانة في عنقه حتى يؤدي ما عليه لصاحبه من الحقوق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتقوى له. Il faut qu'il y ait ce ressenti de chacun des deux époux, l'homme comme la femme, que son prochain, son conjoint, c'est un dépôt, c'est une amana qu'il a sur son cou. Donc il se doit de s'en acquitter de ce dépôt jusqu'à qu'il ait appliqué et qu'il s'est acquitté de tous les droits de son conjoint, chacun envers l'autre. Il fait cela, ne cherchant par là que le de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et par piété envers Allah azza wa jal. Vous avez vu les points là qu'on vient de citer? C'est des points, peut-être, pour beaucoup, c'est qu'un rappel. C'est qu'un rappel. Et bien, vous verrez que beaucoup de problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas ça. Chacun pense que l'autre, c'est un fardeau. Et chacun ne veut pas s'acquitter. C'est ça, le problème. Et on oublie la crainte d'Allah et la piété envers Allah. Non, on pense à nefs. Tu me fais, je te fais. Voilà. C'est nefs. On écoute le nefs et on délaisse les textes religieux. Et comment Allah, tabarak wa ta'ala, nous enseigne et nous apprend comment on doit se comporter. Il nous a envoyé le prophète Mohammed, qui est un modèle et un exemple dans tous les domaines. Et il a été un époux, alayhi salatu wassalam. كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. Dans le sens du verset, quant à elles, les épouses, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. Donc chacun, même n'importe quelle personne dans cette vie, il a des droits et il a des devoirs, des obligations. D'accord ? Mais les gens, ils pensent à quoi, en général ? Aux droits. Ses droits à lui. Mes droits. Et jamais on entend parler des devoirs, des obligations. Subhanallah. Donc, on a des droits et on a des obligations. Et les épouses, elles n'ont pas que des devoirs. Elles ont aussi des droits. Et Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, quant à elles, les femmes, elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. C'est l'heure de... Non. Alhamdoulilah. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Ça, c'est une partie d'un hadith dans lequel le prophète sallam, et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallam parle des responsabilités de chacun, et le prophète sallam nous dit: et l'homme est responsable de son foyer, de sa demeure et ceux qui s'y trouvent dedans. Et il sera questionné sur son troupeau. Et la femme est responsable de la demeure de son mari. Et elle sera questionnée sur son troupeau. Chacun d'entre vous est berger et responsable. Et chacun d'entre vous sera questionné sur son troupeau et sa responsabilité. هذا هو اختصار الحديث. Voilà en résumé ce qui est voulu dans ce hadith. فإذا استشعر كل منهما ذلك, si chacun a ce ressenti, Chacun, il a ce ressenti, qu'il a cette responsabilité et qu'il lui incombe de s'acquitter des devoirs par piété envers Allah, tabaraka wa ta'ala, par crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est une action qu'il accomplit pour se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Sada al-insaf wal-adl wal-amana wa muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'apprendre à le dessus, dans cette demeure, dans ce foyer, dans ce couple, l'équité, la justice, la droiture et le fait de toujours se rappeler, à tout moment se rappeler qu'Allah tabaraka wa ta'ala est présent et qu'il sait tout et il entend tout et rien ne lui échappe. Subhanahu wa ta'ala. أعني أن كل منهما يراقب الله سبحانه وتعالى في صاحبه. Chacun se rappelle qu'Allah تبارك وتعالى le voit dans sa relation avec son conjoint. ويحفظه في الغيب والشهادة. Et que c'est lui le protecteur lorsqu'on est présent ou lorsqu'on est absent. الطريق الثالث. Troisième point dans ce cheminement vers la concrétisation des objectifs et des sagesses du mariage, isti'mal al-afu was-safh wal-musamaha. Ça, c'est important. Ça, le problème de beaucoup de gens, même entre frères, même entre sœurs. C'est ça, un des grands problèmes, c'est ça, c'est ce manque-là. Il faut qu'on, parfois, on baisse le regard, on laisse passer des choses, on pardonne. Non, il y a des gens, ils ne veulent pas, ils veulent... Moindre geste, moindre parole, il est derrière ton dos. Il te considère comme une personne, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est pas possible. Ça, c'est quelqu'un qui demande l'impossible. Et lorsqu'on demande une chose, on demande qu'une chose qui est possible. On ne se fatigue pas, puisque il est impossible de chercher l'impossible. Subhanallah. C'est pas la peine de se fatiguer. Et un humain reste un humain. Comme Allah, il l'a créé. Vous voulez quoi? C'est pour ça que les gens... Lorsqu'ils sont sur un nuage, les gens, ils sont sur un nuage. Ils ne sont pas dans le monde réel. Subhanallah. Il a fait le muqabala, il se marie quelques jours après. Ah, mais je me suis fait avoir. Et elle, je me suis fait avoir. Il m'a menti. Pourquoi? Ben moi, quand il est venu, il était comme ça. Mais subhanallah, il est venu te demander ta main. C'est normal qu'il ait... C'est un moment de concentration. Il est le plus correct possible. Puis quand tu vas te marier avec lui... Chacun va être collé à l'autre, et ben, vous allez, au fur et à mesure, chacun va connaître la réalité de l'autre. Et lui, pareil, elle est venue, elle avait le regard baissé, elle ne me regardait, mais maintenant elle me regarde, maintenant ça m'a. Subhanallah. Les gens, ils sont sur un nuage. Vous pensez vous marier avec des anges? Non, c'est des humains. Et tout humain, il a sa part de négligence, d'insouciance, d'oubli, de manquement. On est fini. Subhanallah. Et donc, on reproche à notre prochain d'être un humain. Subhanallah. Non. Et pour qu'on soit bien dans un relationnel, il faut sur plein de choses laisser passer. Il y a plein de choses, les choses habituelles. Sache que même toi, les gens, s'ils ne te disent rien, c'est parce qu'ils laissent passer. Fais de même. Subhanallah. Tu veux être quelqu'un de bien, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Il n'y a pas de bien dans une personne qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas sur leur mal et leur nuisance. Le bon croyant, il se mélange aux gens et il patiente. La patience, elle est demandée, subhanallah. Et aussi, dans le hadith, le prophète nous enseigne, le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente sur leur nuisance est meilleur que celui qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas sur leur nuisance. Il y en a, ils mélangent les textes. Ils prennent des textes qui parlent de moments de guerre civile, de troubles énormes. On ne sait plus où mettre les pieds. À ce moment-là, le mieux, c'est de se retirer. Et lui, pour un oui, pour un non, parce qu'il y a des choses qui ne lui conviennent pas ou qu'il n'aime pas, il prend ces hadiths-là et il se retire des gens et il condamne tous les gens et tout le monde est perdu. Il n'y a que lui qui est sauvé. Celui qui agit ainsi, c'est lui le plus perdu des gens. Le prophète Hassan m'a dit, celui qui dit que les gens sont perdus, c'est lui le plus perdu d'entre eux. Et dans une lecture, c'est lui qui est la cause de cette perdition. Les gens. Il faut faire attention. Les gens patientent avec toi, toi aussi patiente avec eux. Il n'y a pas de bien. Dans l'autre hadith, le prophète Hassan nous dit, il n'y a pas de bien dans un croyant, dans une personne qui ne sait pas accepter les autres et qui ne sait pas se faire accepter par les autres. La khayra fi mu'minin la ya'laf wa la yu'laf. La ya'laf, il n'accepte pas les autres. Il ne fait pas d'effort. Wa la yu'laf, et il ne fait pas d'effort pour être accepté des gens. C'est un partage entre les gens. C'est important. Alors que dire dans un couple qui, eux, vivent en intimité et en plus de moments où ils sont seuls, ensemble. Donc, Inch'Allah, isti'mal al-afu wa-safh wa-al-musamaha. Donc, de s'excuser, de se pardonner, surtout toutes les petites fautes de quotidiennes, journalières, qui arrivent souvent. Kathir min al-azwaj yandammu ila al-akhar wa huwa mu'iddun fi nafsihi an yantakima min al-akhar wa an yuhasibahu idha qassara fi haqqihi. Il y en a beaucoup parmi les maris. Lorsqu'il s'unit, il va s'unir avec son épouse, il se prépare à quoi ? De se venger de son conjoint et de le juger sur toute chose s'il y a un quelconque manquement dans son droit. فَهَذَا مَدْخَلٌ مِنْ مَدَخِلِ الشَّيْطَانِ. Ça, c'est une des portes parmi les portes de Satan, du diable. Subhanallah, il se marie avec son épouse, là où normalement il doit avoir de l'amour, de l'affection, et lui déjà de base, à moi, direct il commence déjà, c'est comme si c'était son adversaire et son ennemi qui est en face de lui. Donc déjà de base il est sur ce point-là. Il se dit que moi je ne laisse rien passer. Moi je demanderai, subhanallah. Ça c'est une des portes du diable. وَكَانَ الْوَاجِبْ أَنْ يَتَفَاءَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَأَنْ يَسْتَبْشِرَ كُلٌ مِنْهُمَا خَيْرًا. Alors que normalement, ce qui leur a été demandé, ce qui incombait à l'un et à l'autre, c'est d'être positif et d'être optimiste face à l'autre. Hein, c'est une joie et d'être heureux d'être avec son conjoint. فإذا قصر أحد الزوجين في حق الآخر فينبغي لصاحب الحق أن يعامله بالصبر وسعة الصدر. Donc si l'un vient avoir des manquements dans les obligations, les devoirs face à l'autre, ben celui qui est dans son droit, il se doit de faire preuve de patience et d'avoir une poitrine qui soit élargie. ولا مانع أن يناقش صاحبه باللين والرفق والحسنى. Ceci n'empêche pas de discuter avec son conjoint de la meilleure manière, hein, avec douceur, de la meilleure manière, pour faire part de ce qui ne va pas tranquillement. فقد يكون تقصيره هذا منشأه الغفلة أو النسيان أو الجهل. Il se peut que la personne en face, son manquement, sa négligence, n'est dû qu'à son ignorance, n'est dû qu'à son insouciance. C'est pas quelque chose de volontaire. C'est un oubli. Ou alors il ne le savait pas. فيفي إلى رشده ويؤدي ما كان قصر فيه. Et là, en parlant tranquillement, il va apprendre la chose. Il va se rappeler qu'il a omis de faire telle chose. Et il va revenir sur son erreur. Là où il était négligent. أو يتبين عجزه فيرحمه الآخر ويسامحه. Ou alors, l'autre va lui expliquer dans la discussion qu'il est incapable de s'acquitter de tel devoir. Ce n'est pas dans sa capacité. Pour X raisons valables, alors là, l'autre, il doit être faire preuve de clémence. J'attendais quelque chose d'un tel, mais en fin de compte, un tel ne peut pas. Il est dans la capacité de pouvoir le faire. Donc, je suis clément envers lui. Et je lui pardonne. وَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَيْرُ الْخَلَفِ. Et en échange, Allah lui donnera de mieux que ce qu'il attendait. فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهِ خَيْرًا مِنْهُ. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui donne en échange quelque chose de meilleur. وَفِي هَذَا الْمَعْنَى صَحَ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. والحديث أخرجه أحمد وهناد بن السري في الزهد وصحح إسناده الألباني رحمه الله. Donc, et il a été rapporté authentiquement que le prophète sallam a dit: certes, tu ne vas pas laisser une chose pour Allah sans qu'Allah en échange ne te donne une chose bien meilleure pour toi. وبهذا تكون منهما إن شاء الله تطبيق للآية الكريمة. Et en agissant ainsi, en appliquant les recommandations qu'on vient d'entendre, on aura appliqué les deux. L'époux comme l'épouse auront appliqué le noble verset coranique dans lequel Allah dit: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Dans le sens du verset, Allah nous dit: et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. On va s'arrêter là, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Et inshallah, on fera l'effort bi'idhnillah, on revient demain pour terminer ce cours qui est très important, inshallah. On terminera demain à la même heure bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala.